promène dans son hacienda de rêve, tout près du Rio Grande. Dès que la journée s'achève, elle ne pense qu'à danser et à chanter. Au bal Musette, il y avait Marcel, il y avait Paulette, vous la connaissez Paulette, on était dans la fanfare, toutes les trompettes, et les amis du comité des fêtes, encore un coup de chine, chine, encore un coup, encore un coup de chine, chine, encore un coup, encore un coup de chine, chine, encore un coup, églou, églou, encore un coup, on a chanté. Tout ça du tête. Il y avait Marcel, il y avait toujours Paulette, il y avait Fernand, il y avait André aussi, et puis les gars du comité des fêtes. Encore un coup de chine, chine, encore un coup, encore un coup de chine, chine, encore un coup, encore un coup de chine, chine, encore un coup, églou, églou, encore un coup. On s'est retrouvés dans ma chambrette, il y avait Marcel, il y avait toujours Paulette, toute la fanfare, toutes les trompettes, et puis les filles du comité des fêtes. Encore un coup de chine, chine, encore un coup, encore un coup de chine, chine, encore un coup, encore un coup de chine, chine, encore un coup, églou, églou, encore un coup. On s'est retrouvés dans les staffettes. Il y avait Marcel, il y avait toujours Paulette, il y avait le commandant aussi, et puis les gendarmes, et des amis, puis du comité des fêtes. Encore un coup de chine, chine, encore un coup, encore un coup de chine, chine, encore un coup, encore un coup de chine, chine, encore un coup, églou, églou, encore un coup. Ça commence fort, hein? Ah oui, ça commence fort. Allez, on va pas passer du temps à bavarder, on va passer du temps à écouter François Mazerat au petit bal du samedi soir, trompette Musette, et je vous propose également un petit tour en fusée, toujours avec François Mazerat. Ça, c'est un enregistrement de Gérard Prat. Quand revient le printemps? C'était à Chambéret, un festival en 2014. Que du bonheur également. Et puis tout de suite, après, nous allons écouter Karine Lehoux, Monsieur Cannibal, Cerisier Rose et Pommier Blanc. Également du côté du festival de Champéret, mais là, c'était en 2013. pas mourir. Monsieur cannibale, laissez-moi partir. On va rester dans dans ces mélodies qui nous rappellent bien tout simplement le Musette. Le Musette, et c'est avec Manu Blanchet qui va nous interpréter un medley Tyrol. Et puis Nadine et Didier Poulier avec Ségurel Bol d'Or 2013. On est parti, que dis-je? On continue. Thank you. pourrions me plaire. Nous allons pour te distraire, t'offrir un petit frère. Oh. Moi j'aimerais mieux un petit chat petit revient pour faire moi et tout. Tu la la et tout. Moi j'aimerais mieux un petit chat petit revient pour chanter ce petit refrain. Nadine et encore Didier Poulier, bien évidemment, la choupette, la choupetta, et tire la chevillette. Ah, vous êtes bien là. Ah oui, vous êtes très très bien dans cette émission Dimanche Musette, mais également mardi. Plus que tous les swings, bientôt dans les dancing, se rigole tu es. Pascal Michaud par les monts d'Auvergne et les Auvergnats de Paris. Voilà de quoi nous divertir. Et Pascal Terrible, la marche portugaise. Oh là là là là là là. Je m'en vais par les monts d'Auvergne avec mon cœur d'enfant, retrouver les amis, les filles et les garçons, tous ceux que j'aime, les vrais copains de mon pays. Ce soir je m'en vais par les monts d'Auvergne, j'en connais qui m'attendent pour saluer la vie, penser et penser les joies, les peines, aller jusqu'au bout de la nuit. Je m'en vais par les monts d'Auvergne. Moi, j'ai pris rendez-vous au soleil du printemps avec tous les troupeaux et les bergères, les fiancées de mes 20 ans. Rendez-vous au soleil du printemps avec tous les copains et les bergères, les fiancés de mes 20 ans. Paris, ils aiment leur pays, sont fiers de leurs racines et de leurs origines. Ils n'oublient pas leur terre, ses forêts, ses rivières. Ils gardent dans leur cœur ses parfums et ses couleurs. Ils sont très solidaires, un peu comme des frères. Ils n'ont pas oublié le jour de leur arrivée. Ils vont à la grande ville, un peu comme en exil, perdu des boussoles sans savoir où aller. C'est une grande famille, des copains, des amis, des garçons et des filles. Les Auvergnats de Paris adorent l'accordéon, la musique du pays, la danse et les chansons. Les Auvergnats de Paris, quand ils sont réunis, une idée en tête, c'est de bien faire la fête. Ils organisent des balles au cœur de la capitale et dansent toute la nuit sur les ailes du pays. Quand arrivent les vacances, rien n'a plus d'importance. Les Auvergnats de Paris n'ont plus qu'une seule envie, revenir au pays, retrouver les amis, en chantant en patois les chansons d'autrefois. Les Auvergnats de Paris, c'est une grande famille, des copains, des amis, des garçons et des filles. Les Auvergnats de Paris adorent l'accordéon, la musique du pays, la danse et les chansons. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Patrick Rock, vous le connaissez, c'est un excellent accordéoniste. Patrick Rock et Fabrice Cubertafon, Coplas, que vous connaissez parfaitement, et un air de cabrette. Et alors là, vous allez écouter l'air de cabrette, et puis le medley de valse, bien évidemment, c'est sur le 91, sur le 102.5, Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous. les vallées et les fleurs. Et on termine avec Romain Pruvot. Et il va nous interpréter, Romain, Pistenette et Reine d'accordéon. Voilà. Voilà cette première partie. Ainsi se termine. Attention, surprise pour la deuxième partie de cette émission, bien évidemment. Thank you. Dans cette deuxième partie, eh bien, je vous ai concocté quelque chose uniquement des chansons françaises de 1960. Et il n'y aura que ça pendant une heure. Parce que j'ai revu François, pardon, c'est le premier titre, et puis Madison Twist tout de suite après. Chagrin, mais aujourd'hui je le sens, rien ne va, parce que j'ai revu François, mon cœur fait bling bang comme un carrousel, bing et bang, il était si beau, bing bang, oh oh oh oh oh oh oh oh. Je l'avais presque oublié, pourquoi faut-il que je l'ai rencontré, car maintenant je suis fait comme un rat, parce que j'ai revu François, oh oh ça y est. La souris, il a bouleversé ma vie, c'est fou. L'amour me brûle et mon cœur me bouscule. Hey, hey, dam di dou di dou. Hey, hey, dam di dou di dou. Hey, hey, dam di dou di dou. Dam di li dam di li dam dam dam. Toute seule, je vais dans les rues. Je me sens un peu perdue. Les copains se demandent pourquoi. Parce que j'ai revu François. Bing bang, arrête l'infernal, ding et bang, et ça me fait mal, ding bang, oh oh oh oh oh oh oh oh. Hey, hey, dam di dou di dou. Hey, hey, dam di dou di dou. Hey, hey, dam di dou di dou. Dam di li dam di li dam dam dam dam. Hey, hey, dam di dou di dou. Hey, hey, dam di dou di dou. Hey, hey, dam di dou. Yeah! et quand je dis chanson des années 60, pas toujours forcément que l'on connaît sur le bout de l'ongle. Mais voilà, dans cette émission, c'est le temps de la découverte. Toujours cette guitare, et puis la plage romantique, celle-là, vous l'avez fredonnée et vous continuez à la fredonner. Toujours cette guitare, sans pitié me rappelle cette fille. Toujours cette guitare, oh toi cette guitare, écoute ma prière, va lui dire que tout seul sans elle se meurt le printemps. Toujours cette guitare, sans pitié me rappelle cette fille. Toujours cette guitare, oh toi cette guitare, écoute ma prière, va lui dire qu'un beau soir ensemble nous Toujours cette guitare. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Il y avait sur une plage une fille qui pleurait. Je voyais sur son visage de grosses larmes qui coulaient. Laissons la plage romantique. Ce soir, j'ai envie de t'aimer. Laissons la plage romantique. Je veux t'aimer. Cette plage au clair de lune était triste à pleurer. Elle était si loin la dune, comme le temps a passé. veux t'aimer. À mon idée, et mes mains sur son visage l'ont soudain consolé. Il restait la belle image d'une fille qui riait. D'orchidée pour ma concierge. Alors là, je la découvre en même temps que vous. Par contre, l'amour, celui-là, eh bien, on l'a découvert depuis très longtemps. Je l'espère. Mademoiselle Pic, c'est bien ici, à quel étage? Deuxième à gauche, merci madame, mais que dites-vous? Il n'y a personne, elle est sortie, comme c'est dommage. Remettez-lui ses fleurs avec ce billet doux. Il est parti, le garçon livreur, sur son tricycle. Il est parti, mais le bouquet est toujours là. Et ma concierge sent de ses yeux des larmes qui giclent. Des orchidées, le malheureux, il ne savait pas. Pas d'orchidées pour ma concierge, elle a le rhume des foins. Pas d'orchidées pour ma concierge, ça lui rappelle le temps lointain. Où le cœur pur et l'âme vierge, elle aimait le fleuriste du coin. Mais depuis qu'il s'en est allé, dès qu'elle respire des orchidées, elle est ternue sur son passé. Achoum, il était grand, il était beau, son cher fleuriste. Il sentait bon l'asparagus et le bégonia. Pour empoter, c'était un véritable artiste. Et ma concierge n'avait qu'une fleur, elle lui donna. Il lui prit tous ses sous, ses bijoux, des tas de choses. Et puis un jour, prétextant qu'il manquait de peau, il est parti, la laissant tomber sur les roses, en oubliant une orchidée dans un verre d'eau. Pas d'orchidée pour ma concierge, elle a le rhume des foins. Pas d'orchidée pour ma concierge, ça lui rappelle le temps lointain. Où le cœur pur et l'âme vierge, elle aimait le fleuriste du coin. Mais depuis qu'il s'en est allé et qu'elle respire des orchidées, elle éternue sur son passé. Pas d'orchidées pour ma concierge, s'il vous plaît. Du muguet, si vous voulez, ou des rhododendrons, des coucous, des fleurs de courgettes sauvages. Mais par pitié, pas d'orchidées. Non, ça lui rappelle le temps lointain. Où le cœur pur et l'âme vierge, elle aimait le fleuriste du coin. Mais depuis qu'il s'en est allé, dès qu'elle respire des orchidées, elle éternue sur son passé. L'amour, c'est comme un marlou. Et quand t'as deux sous, ça te met sur le sable. L'amour, c'est comme un vin doux qui te rend tout fou.

sans être gênés, ils se font tendre pour nous embrasser, nous offrent très galant un petit bouquet et portent nos paquets. Les garçons, c'est un poème, les garçons, c'est un problème, les garçons, qu'ils soient seuls ou d'un million, sont tous les mêmes si jamais devant la glace ils voulaient se voir en face, ils seraient bien étonnés de leur façon, de leur audace. Ils nous téléphonent, nous appelant Denise ou bien Yvonne, c'est quelquefois vexant quand on s'appelle Anne ou Gisèle. Lorsqu'au bon moment ils sont entreprenants, les chenapans, on prend évidemment un air fâché, mais ça c'est du chiquet. Les garçons, c'est un poème, les garçons, c'est un problème, les garçons, qu'ils soient seuls ou d'un million, moi je les aime, les garçons, c'est un poème, les garçons, c'est un problème, les garçons, mais je les aime, les garçons. J'étais vide devant ma marché, Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. Ouais. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis et moi, je suivais par ce froid dimanche, Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un bon chocolat. La place rouge était vide, je lui pris son bras, elle sourit. Il avait des cheveux blancs, mon guide, Nathalie, ouais, Nathalie. Sa chambre à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé. Ils voulaient tout savoir, Nathalie traduisait. Moscou, les plaies et les Champs-Élysées, on a tout mélangé, et on a chanté, et puis ils ont débouché en riant de la force, les champagnes de France, et on a dansé. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Et plus question de phrases sobres et de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Adieu, tombeau de Lénine. Le chocolat de chez Pouchkine, c'était loin déjà. Ma vie me semble vide. C'est qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie. Nathalie. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Souvenez-vous, les frères Jacques, ces 3-4 messieurs, toujours habillés en noir. Eh oui, la lune est morte, les frères Jacques. Et puis, je reprends la route demain. Eh bien, j'espère que ça fait un moment que vous l'êtes sur la route. Au col, il va falloir aller plus loin, par le-delà des millions d'étoiles, à la recherche de l'étoile qui vous fera rêver demain. On a mis la lune en bouteille, et les enfants de la corbeille ont applaudi comme à Guignol. Un homme marche sur le sol, de ce vieux miroir aux merveilles, dans mon jardin depuis la veille, ne chante plus le rossignol. La rue qui roule, Après tout, que le diable l'emporte. Mais je m'en fous, tout est bien. Je reprends la route demain. Mais je m'en fous, tout est bien. Je reprends la route demain. Les sucettes, cette chanson-là, en 1960, elle a fait du feu. Ah oui, elle a fait du feu. Souvenez-vous-en. C'est une question. T'as vu Monte Carlo? Eh bien, la réponse c'est, moi, je n'ai vu monter personne. Les mains, les mains, les mains. Voisin, leur sorti avec une voisine. Il paraît que c'est son cousin, mais je crois que c'est sa cousine. Et t'as vu Monte Carlo? Non, j'ai vu monter personne. Et t'as vu Monte Cristo? Non, j'ai vu monter personne. J'ai vu l'Asie, l'Afrique, l'Australie, l'Amérique, tous les films de Bardot, le joli dos de Belmondo. Du matin jusqu'au soir, mon mari m'en fait voir sur le petit écran. Je vois la couleur en noir et blanc. Et t'as vu Monte Carlo? Non, j'ai vu monter personne. Et t'as vu Monte Cristo? Non, j'ai vu monter personne. J'ai vu Clichy sous bois, corbeillé par les trois. J'ai vu avec mon père monter la mer en Angleterre. Et t'as vu Monte Carlo? Personne, t'as vu Monte Cristo? Non, j'ai vu monter personne. Encore une fois, t'as vu Monte Carlo? Non, j'ai vu monter personne. T'as vu Monte Cristo? Non, j'ai vu monter personne. Les mains des gens se faufilent, se faufilent. Les mains des gens se faufilent dans la ville. Et à la main de caoutchouc aux caresses de maraudeurs qui fait danser dans les verrous une jolie pince, mon seigneur. Il y a aussi la main de fer qui toujours veut avoir raison et qui vous tend cynique et fière l'éternelle clé de sa prison. Les mains des gens se faufilent, les mains des gens se faufilent dans la ville. Il y a la main douce et magique qui voltige sur un clavier, ça fait rêver les hystériques au petit bar de mon quartier. Il y a la main l'adolescent découvrant avec le sourire sous une robe de printemps ce qui l'empêchait de dormir. Les mains des gens se faufilent, les mains des gens se faufilent dans la ville. Il y a la main du boulanger travaillant au pain du bon Dieu, et celle qui vient le manger sur la tête des malheureux. Mais il y aura toujours, c'est certain, au-dessus de tous vos tourments, la main tendue d'un bon copain, si vous avez beaucoup d'argent. Les mains des gens se faufilent, les mains des gens se faufilent dans la ville. Les mains des gens se faufilent, les mains des gens font une ronde dans la ville. Deux enfants au soleil, ça c'est un classique. Oh, je vous laisse apprécier, je vous laisse découvrir et je vous laisse tout simplement rêver. La mer sans arrêt roulait ses galets, les cheveux de fer, ils se regardaient. Dans l'odeur des pins, du sable et du thym qui baignaient la plage, ils se regardaient tous deux sans parler, comme s'ils buvaient l'eau de leur visage. Et c'était comme si tout recommençait, la même innocence les faisait trembler devant le merveilleux, le miraculeux voyage de l'amour. Dehors, ils ont passé la nuit, l'un contre l'autre, ils ont dormi. La mer longtemps les a bercés, et quand ils se sont éveillés, c'était comme s'ils venaient au monde. dans le premier matin du monde. La mer sans arrêt roulait ses galets. Quand ils ont couru dans l'eau, les pieds nus, à l'ombre des pins, se sont pris la main sans se défendre, sont tombés dans l'eau comme deux oiseaux, sous le baiser chaud de leur bouche tendre. Et c'était comme si tout recommençait, la vie, l'espérance et la liberté, avec le merveilleux, le miraculeux voyage de l'amour. Comme au théâtre. Comme au théâtre, c'est maintenant, tout de suite. Et puis, je me voyais déjà. Ah oui, je me voyais déjà, mais pas en haut de l'affiche, mais en bas de l'affiche. Le mobilier était anglais, du velours vert, de l'acajou. Le punch était martiniquais, il y avait des coussins partout. Paris du mois de juin, à la fenêtre qui frissonne, et les disques de Sinatra qui tournaient sur l'électrophone. Comme au théâtre, comme au théâtre. Plus je repense à notre amour, à ses bonheurs et à ses peines, plus je me dis que tu avais le génie de la mise en scène. Lorsque ta femme nous surprit, ce fut moi la plus étonnée. Elle te savait infidèle, je ne te savais pas mariée. Elle n'était même pas jalouse et réclamait la voix vibrante pour ses bambins, le bon papa qu'avait volé une intrigante. Comme au théâtre, comme au théâtre. Plus je repense à notre amour, à ses bonheurs et à ses peines, plus je me dis que tu avais le génie de la mise en scène. Le vaudeville tout à coup a remplacé la tragédie. Don Juan quittait son piédestal pour jouer l'éternel mari. C'était bien drôle, on a parlé de trahison, de sacrifice. Mais ça ne me concernait plus, j'étais devenue spectatrice. Comme au théâtre, comme au théâtre. Plus je repense à notre amour, à ses bonheurs et à ses peines, plus je me dis que tu avais le génie de la mise en scène. Comme au théâtre, comme au théâtre. La la la la la la la la la la la la. À 18 ans, j'étais déjà vedette, sans avoir fait aucun effort pour ça. À 35 ans, les records de recettes continuaient d'être battus par moi. Je n'avais rien à souhaiter en somme, pourtant j'étais rongée par un désir. N'être qu'une débutante, sans le moindre avenir, j'ai tout tenté pour le redevenir. Je me voyais déjà en bas de l'affiche, chantant la première devant un public qui n'écoutait pas. Je me voyais déjà avec un pianiste que mon tour de chant manifestement n'intéressait pas. Je guettais en vain, rentrant en coulisses, le moindre regard de l'un des artistes passant après moi. Je me voyais déjà, c'est là que j'insiste, offrant des photos à des spectateurs qui n'en voulaient pas. J'ai tout essayé vraiment pour rentrer dans l'ombre. J'ai pris le métro, j'ai fait des ménages, acheté à crédit. Si les contrats pleuvent toujours et en très grand nombre, ce n'est pas ma faute mais celle des journaux, des impressaris. Ça m'aurait tant plu de faire antichambre, laisser mon adresse et sans qu'on m'écrive d'attendre patiemment. Et puis tous les soirs, pour pouvoir attendre, je me voyais déjà gardant des bébés comme les étudiants. J'assortis mes voitures à mes savates et je les jette dès qu'elles sont rodées. Ça n'est vraiment pas pour faire de l'épate, mais pour éviter d'être démodé. Auprès de mon château le plus modeste, celui de Versailles ressemble à un taudis. Les hommes les plus beaux veulent devenir mon mari en ignorant le rêve que je poursuis. Je me voyais déjà partir en tournée, portant les valises, réglant les lumières, tirant les rideaux. Je me voyais déjà après la soirée, balayant la salle avec les serveurs dans les casinos. Par économie, au bord de la route, je faisais du camping, mangeant des sandwichs, roulant en Solex. Et pour les étapes, paraissant moins courtes, je me voyais déjà faisant de l'autostop sans aucun complexe. J'ai même essayé, je vous jure, pour que ma gloire cesse, de dire des âneries dans toute la presse d'un ton véhément. Mais par entêtement sans doute, plus que par tendresse, on crie au génie et quand je dis merde, c'est du Monterland. Je n'ai plus maintenant qu'une seule espérance, c'est d'être trop vieille pour envisager un recommencement. Ou que le public, un jour de voyance, réalise enfin au bout de 20 ans que je n'ai pas de talent. La permission de minuit, allez, on va se faire un petit cadeau, on va la prendre. Et puis, un air de folklore auvergnat, ça ne peut être également que du bonheur. Mes parents m'ont puni pour avoir trop dépassé la permission de minuit. Moi, mes parents avoir désobéi. C'est ma sœur qui a tout rapporté à maman au petit déjeuner. C'est ma sœur qui a tout arrangé, car elle sait combien je peux t'aimer. Moi, mes parents m'ont puni pour avoir trop dépassé la permission de minuit. Moi, mes parents argent de sortie pour avoir désobéi. Vendredi, à mon cours de piano, à 7h, juste devant le métro, si tu peux, viens me raccompagner, j'ai tant de choses à te raconter. Moi, mes parents m'ont puni pour avoir trop dépassé la permission de minuit. Ils m'auront tout supprimé, les disques et puis la télé, la lecture et le ciné. Maintenant, je ne peux plus, c'est malin, patiner avec tous mes copains, m'amuser sans être surveillé par ma sœur qui a tout gâché. Moi, mes parents m'ont puni pour avoir trop dépassé la permission de minuit. Moi, mes parents m'ont privé de mon argent de sortie.

hippie, hurrah! C'est la fin. Merci de votre fidélité. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ce moment, nous le partageons le dimanche, mais aussi le mardi, dans Dimanche Musette, Dimanche Variété. Merci de votre fidélité. Je vous aime, je vous embrasse. À bientôt sur le 91 102.5 Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous. Je suis pi, c'est ma nouvelle philosophie. Hippipi, hurrah, vive le Mukhoutra. Ce qui me casse la figure, ce qui me marche sur les pieds, ce qui me cogne en voiture, ce qui me cogne sur le nez, papa, maman, toute la famille, l'église, l'armée et la patrie, je les aime, je les aime, je les aime. Je suis pi, c'est ma nouvelle philosophie. Hippipi, hurrah, vive le Mukhoutra. Je me suis tatoué des fleurs sur la poitrine et puis ailleurs j'ai loué une place sur un bateau qui partait pour San Francisco. Je suis je suis pi, c'est ma nouvelle philosophie. Hippipi, hurrah, vive le Mukhoutra. Si vous ne m'aimez pas, ça n'a aucune importance. C'est moi qui vous aime. C'est ma nouvelle philosophie. Hippipi, hurrah, vive le Mukhoutra.